Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumé du Pré 1860. Question 34. Du Fils. Le Fils a pour nom propre le mot verbe, rapport du verbe avec la création. 1. Le mot verbe est-il un nom de personne? Saint Augustin dit que, dans la Trinité, le Verbe se rapporte à celui dont il est la parole, comme Fils se rapporte à Père. Le mot Verbe, comme le mot Fils, désigne donc une relation subsistante, une personne, et non la nature. Ce mot, appliqué à Dieu, désigne en effet la conception de l'intelligence. Or, il est dans la nature de toute conception intérieure de procéder d'un principe, qui est l'intelligence. Le mot verbe, dit de Dieu, implique donc une idée de procession, d'origine, et par conséquent une notion personnelle, puisque les personnes divines se distinguent par les relations d'origine. Note. Le verbe, dans le langage humain, a plusieurs acceptions, mais, en son sens propre, il signifie, même en nous, ce que notre esprit conçoit au-dedans de lui-même, et non ce que la voix fait entendre au-dehors. Celui qui peut comprendre son verbe, dit saint Augustin, non seulement avant que la voix ne le fasse retentir, mais avant que la pensée l'ait revêtue d'une image qui le rend sensible, celui-là perçoit une certaine similitude du véritable verbe, dont il est écrit, « Au commencement était le verbe ». Fin de la note. 2. Le mot verbe est-il un nom propre du Fils? On ne peut donner qu'au Fils, dit saint Augustin, le nom de verbe. Ce mot entraîne, effectivement, l'idée d'émanation intellectuelle. Or, la personne qui procède par émanation intellectuelle est le Fils, et cette procession s'appelle génération, comme on l'a vu. Le Fils seul reçoit donc proprement le nom de verbe. Note. Le mot verbe exprime la même propriété que le mot Fils. La deuxième personne, disait saint Augustin, est verbe, parce qu'elle est Fils. Dans l'impuissance où nous sommes d'exprimer par un seul mot la naissance, qui est sa propriété personnelle, nous employons des noms divers qui font ressortir ses divines perfections. Aussi nous l'appelons Fils, pour marquer qu'il a la même nature que le Père, splendeur, pour signifier qu'il lui est coéternel, image, pour faire entendre qu'il lui ressemble parfaitement, verbe. Pour notifier sa génération spirituelle. Il n'était évidemment aucune expression qui pût rendre à elle seule tous ses divers attributs. Fin de la note. 3. Le mot verbe emporte-t-il quelque rapport avec les créatures? Saint Augustin parle ainsi, qui dit verbe dit rapport non seulement au Père, mais à tout ce que la puissance divine a fait par le verbe. En effet, Dieu, en se connaissant lui-même, connaît toutes choses par ce seul acte, et le Verbe est pour lui la représentation de tout ce qu'il perçoit dans l'acte même qui le produit. Le Verbe représente donc le Père et toutes les créatures, et comme la science divine n'est qu'intuitive pour ce qui est de Dieu même, tandis qu'elle est intuitive et efficiente pour les créatures, le Verbe est l'expression pure de ce qui est dans le Père, mais il est à la fois l'expression et la cause efficiente des créatures. Note. Si l'on dit qu'il y a en Dieu plusieurs idées, quoiqu'il n'y ait qu'un seul Verbe, c'est que le mot « idée » emporte avant tout rapport aux créatures, aussi s'emploie-t-il au pluriel et ne désigne-t-il pas une personne ? Au lieu que le mot verbe a été principalement choisi pour signifier d'abord la relation avec son propre principe, et secondairement la relation de ce principe avec les créatures, Parce que Dieu connaît toutes choses en se connaissant lui-même. Telle est la raison pour laquelle il y a un verbe unique, qui est une personne. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.